France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À en croire ceux qui les ont connus et vécus, les années 70 furent sans doute le dernier moment de notre histoire récente dans lequel les mots « utopie » ou « espoir » avaient un sens. Pas simplement sur le plan des idées ou de l'abstraction, mais sur le plan des choses vécues dans la vie quotidienne. Que sont ces espoirs devenus? C'est la question que se posaient Alain Weinstein et Laure Adler dans une série de nuits magnétiques consacrée à un bilan de cette décennie glorieuse. Un bilan pour faire le point, alors que se précisait déjà l'entrée dans une autre époque que l'on devinait plus réaliste et nettement moins révolutionnaire. Le premier volet de cette série est consacré au rôle des intellectuels dans le cours des événements. Des intellectuels qui furent des acteurs de premier plan dans cette transition, souvent douloureuse. De l'époque des utopies, un retour au réel, marqué dès 1973 par le coup d'état de Pinochet contre Salvador Allende au Chili. Mais changer... J'ai pas pensé, vraiment. C'est une question qui m'est pas venue à l'esprit. Maintenant, elle va me venir. Dommage. J'ai changé d'endroit, oui. J'ai changé, j'ai bougé. Mais j'ai pas l'impression d'avoir changé. Je sais pas, pour moi, la vie passe comme ça, et puis il se passe des tas de trucs, puis ça change, et puis à un moment donné, t'arrives ailleurs. J'ai l'air de dire ça d'une façon comme si je m'en foutais, ou très primaire, tu vois, mais c'est pas vrai, c'est pas primaire. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis beaucoup formé, et puis, tu vois, c'est comme la vie, quoi. En 10 ans, il se passe des trucs, ou alors c'était assis et qu'il se passe rien. Mais extérieurement, tu veux dire, le monde autour de moi... Je sais pas. Je sais pas. Je crois pas. Le vertige, la mémoire qui vacille, les dates auxquelles je m'agrippe, les événements qui m'avaient tant marqué que pourtant j'avais oublié, les visages que je ne verrai plus jamais, les rencontres ratées, les émotions que je n'ai pas su partager, les battements de cœur aussi, tous ces moments où je sentais que la vie changeait de tonalité, la douleur que j'ai éprouvée à la mort d'Allende, la joie physique qui m'a inondée ce jour du 1er mai, où entre femmes, nous avions décidé non plus de défiler, mais de danser et de chanter. La naissance de mon fils, il aura 10 ans cette année. Les termes que j'employais, et cette véhémence dont j'abusais. Dans le grand amphi de la Sorbonne, le professeur Alquier nous expliquait la loi des chocs selon Descartes. J'avais 20 ans. Je gagnais ma vie en faisant des enquêtes dans la rue pour une grande marque de publicité et j'étais persuadée que j'enseignerais toute ma vie la philosophie. Ces 10 dernières années, on les a tour à tour étiquetées de blanches, de molles, de déprimées. 3 temps scandent cette décennie. D'abord, ce fut celui de l'espoir, puis celui de la désillusion. Et maintenant, sans parodier le titre d'une nouvelle revue, c'est le temps de la réflexion. Réflexion des intellectuels sur leur légitimité théorique, réflexion des militants sur leur mode d'intervention pratique, et puis réflexion des opprimés qui, libérés des carcans politiciens, s'organisent maintenant par eux-mêmes pour faire valoir leurs droits. Comment on s'est aimé, comment on a lutté, comment on s'est parlé pendant ces 10 dernières années. Un bilan subjectif, donc, des fragments de mémoire retrouvés, et puis la volonté de ne pas oublier. Au fait, c'était quoi, pour vous, ces 10 dernières années ? Plus je vieillis, et plus j'attache de l'importance à l'homme, à sa vie, à son cadre de vie, à son bonheur, à sa possibilité de s'épanouir et d'être heureux. Et par conséquent, plus ça va, plus dans ma conception de la société prend d'importance les conséquences de l'organisation sociale sur la vie de l'individu. En fin de compte, l'homme vit en société, c'est exact, mais enfin, il faut qu'il puisse y vivre, et il faut qu'il s'y sente heureux, qu'il y soit à l'aise, et c'est ça mon objectif. C'est très difficile à atteindre, surtout dans les périodes de transformation profonde, à tous égards, techniques et autres, que nous connaissons à l'heure actuelle. Il me semble qu'il y a une différence entre, d'une part, l'évolution sociale générale, disons, et d'autre part, l'évolution intellectuelle. Du point de vue de l'évolution sociale générale, si je voulais résumer l'opposition qu'il y a entre la décennie qui vient de s'écouler et puis celle qui s'approche de nous, j'ai le sentiment qu'il y a deux mots qui la résument bien. C'est le mot « expansion » pour les années 70 et c'est le mot « crainte » pour les années 80. Il me semble en effet que dans les années 70, il y avait une expansion générale, une expansion économique dans les sociétés dites capitalistes, une expansion du point de vue des expériences politiques dans les sociétés du tiers-monde ou dans les sociétés socialistes. Bref, un développement de tous ordres. Aujourd'hui, en revanche, il y a plutôt un développement des craintes. Voilà. Au fond, dans l'horizon des années 80 est marqué par un certain nombre de révélations qui sont autant de déceptions. Et je crois que la première des déceptions, pour moi, elle concerne la difficile, voire l'impossible harmonie du socialisme et de la liberté. La révélation de masse sur le caractère désastreux de certaines expériences socialistes de type soviétique, en particulier en ce qui concerne la garantie des droits individuels minimum. Ça, c'est la première chose. C'est évidemment une constatation tout à fait banale, parce qu'elle est largement partagée, mais je crois qu'elle a eu, en particulier en ce qui concerne la gauche, une très grande importance. La deuxième prise de conscience en ce qui me concerne, c'est celle relative aux craintes que je vois peser, aux menaces que je vois exister sur la démocratie. Aujourd'hui, le travail de la mémoire, mémoire intellectuelle, mémoire politique de cette décennie, et remontée douloureuse des souvenirs d'une jeune femme chilienne sauvée miraculeusement et qui vit maintenant en exil à Paris. D'un côté, ceux qui ont pour profession de penser retracent dans quel état d'esprit et dans quel cadre théorique ils étaient installés au début des années 70. De l'autre, Carmen, une intellectuelle aussi, qui au début de cette décennie a choisi de changer sa vie en militant pour changer son pays. Glorieux sur le plan des théories ces débuts des années 70. Le tandem Deleuze-Guattari réalisait un énorme succès de librairie avec l'anti-Oedipe. Althusser pratiquait magistralement l'art de la coupure, épistémologique bien sûr, devant les étudiants de la rue d'Ulm qui connaissaient par cœur les textes du jeune Marx et du Marx de la maturité. Jacques Lacan donnait son séminaire à guichet fermé devant un public hétéroclite qui notait fiévreusement la moindre de ses répliques. Et Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard avaient toujours leurs fanatiques. En ce temps-là, les universités étaient pleines, les joutes intellectuelles brillantissimes. Le chômage n'avait pas encore pointé. On critiquait alors allègrement notre société. Blandine Barré-Krigel. Pendant toute la période d'expansion qui a suivi la prospérité économique des années 60, il était tout à fait normal, d'autant plus que le premier devoir de la vie intellectuelle, c'est un devoir de critique. Il était tout à fait normal d'analyser les défauts de la société dans laquelle nous nous trouvions. Et par conséquent, on mettait en question son architecture, on se proposait de détruire ici une aile, là d'en rebâtir une autre. À partir du moment où, d'une part, on s'aperçoit qu'il y a dans cette société des acquis politiques, en particulier, je pense, aux droits politiques, n'est-ce pas, aux droits individuels, qui ne sont pas réalisés, loin s'en faut, dans des sociétés que par ailleurs on estimait meilleures sur d'autres plans, eh bien, tout naturellement, on s'attache à les conserver. Le deuxième mouvement, c'est que lorsqu'une société est en proie à des dangers extérieurs, il y en a, on pourra en parler si vous le voulez, eh bien, finalement, je crois qu'il y a un réflexe assez général au moment où il y a l'incendie, n'est-ce pas, ce n'est pas de détruire la maison, c'est de savoir quelles sont ses poutres maîtresses pour essayer de les garder. Bon. Or, je crois que l'une des prises de conscience massives, et en particulier à gauche, n'est-ce pas, c'est celle qui a mis en évidence l'importance des droits politiques, du droit politique. Lorsque ces droits politiques disparaissent, comme c'est le cas dans les sociétés socialistes de type soviétique, eh bien, on voit se recréer des conditions de dictatoriales, n'est-ce pas, et même dominiales, et même s'il faut suivre Solzhenitsyn jusqu'au bout, esclavagistes du pouvoir, puisque la situation des individus, n'est-ce pas, qui sont dans des camps, est une situation de type esclavagiste. Bon. Alors, bien évidemment, à partir de là, je crois que tout naturellement, on essaie de savoir ce qui a permis, dans l'histoire politique, d'établir, de garantir, de fonder les droits politiques, n'est-ce pas, et ce qui ne l'a pas permis. Ouais, en tout cas, ça a été ça ma démarche. Je suis très fatigué, j'ai besoin de téléphoner à ma famille à Moscou. J'étais encore retenu ce matin en prison. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Je crois que vous avez attendu longtemps. Vous comprenez ma situation, dans quel état je suis. J'ai beaucoup parlé à Moscou, j'ai donné beaucoup d'interviews. Maintenant, je veux me reposer, car j'ai peut-être trop parlé. Il faut que je m'adapte, il faut que je comprenne moi-même la situation. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, nowadays, son, you gotta work late. 11 janvier 70, après 30 mois, fin de la guerre au Biafra. 11 mars, au Cambodge, les ambassades de Hanoï et du gouvernement provisoire révolutionnaire du Vietnam sont saccagées. Le 13, les troupes du FLN sont sommées de quitter le territoire. Le 18, Norodom Sihanouk est démis de ses fonctions de chef d'État. Le 26 novembre 1970, Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature, renonce à se rendre à Stockholm pour y recevoir son prix. J'ai une image, c'est celle de la victoire d'Allende aux élections en septembre 1970. Une grande manif à l'Alameda, la grande avenue qui part, traverse la ville, vers 4 heures du matin, sur une espèce de terrasse, hein, de balcon semi-détruit de la Fédération d'étudiants de l'Université du Chili. Et la joie des visages, l'espoir est une espèce d'immense... Je m'en souviens, par exemple, des vieilles dames, en tout cas, je ne sais pas s'ils étaient vieilles, mais avec la vieillesse de des pauvres qui voyaient leur avenir changer complètement grâce à cette victoire et un peu le désordre, tout ce qui était relié à une victoire populaire, tu vois, sans formalisme, sans... Tout le monde resserrait, le balcon qui tombait presque, un micro qui marchait à peine, et les danses et la joie. Bon, c'est une des images que je m'en souviens de 1970. La surprise aussi. Hein. Jusqu'au dernier, on se donne et on a vraiment pas le temps de souffrir. Alors, c'est surtout par après, lorsque l'heure est finie, qu'on se rend compte qu'on a vraiment souffert sur le vélo. Mais écoutez, vraiment, je crois que c'est peut-être l'heure la plus longue de ma carrière, oui. C'est une aventure que je voulais tenter personnellement. J'ai toujours planté dans ma tête de vouloir m'attaquer un jour, par ma carrière, au cours du monde de l'heure. Je voulais voir ce que c'était de se mettre en piste et commencer à rouler une heure contre soi-même et contre la cloche, je veux dire, puisque c'est quand même un ABC, c'est-à-dire la cloche. C'est une entreprise assez délicate, mais enfin, que j'ai bien réussi et vraiment j'en suis très très content. Est-ce que vous considérez que vous avez réussi votre vie? Oh, moi, j'ai rien réussi du tout. Jamais l'impression d'avoir réussi quoi que ce soit. J'espère toujours réussir ce que je vais faire après, mais moi, je marche au jour le jour, à tout point de vue. Porte-monnaie aussi, enfin. Emmanuel, le roi la dirige. Au fond, nous avons un certain nombre de menaces apocalyptiques que chacun se complaît à évoquer. Il y a la menace totalitaire, d'une façon ou d'une autre, un régime totalitaire nous soit imposé, peut-être de l'extérieur. Il y a la menace nucléaire, la dissémination des armes atomiques qui devrait mener à... un jour à soit un terrorisme nucléaire, soit des guerres nucléaires entre petites puissances, ou même, sait-on jamais, entre grandes puissances. Il y a la menace écologique, la destruction de l'environnement par l'industrie. Il y a la menace démographique dont j'ai parlé, l'explosion démographique. Il y a même la menace inverse dont certains parlent, qui est du vieillissement exagéré des populations occidentales. Enfin... parmi ces différents cauchemars qu'on nous peint pour l'an 2000, chacun peut trouver des arguments dans ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Et l'avenir, au fond, ne paraît pas extrêmement brillant. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on va survivre, essayer de préserver les acquis. Je ne suis pas du tout nécessairement pessimiste, mais enfin, je crois que nous vivons... environnés de menaces qui proviennent de la réalité ou peut-être de nos angoisses éventuellement exagérées. Comment ça, changer? Mais changer, j'ai pas pensé vraiment. Je viens de dire à mes amis de l'UDR que je compte sur leur appui dans la campagne électorale qui s'ouvre. Je viens également de prendre congé d'eux, car il ne s'agit pas d'investiture. C'est le peuple tout entier qui tranche. comme le veulent justement les institutions de la Ve République. Je passe un contrat de progrès avec chaque Français. C'est un problème de vérité. Enfin, il faut que la France, dans son indépendance, poursuive sa mission humaine en Europe et dans le monde. You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. Ben, en 70, on continue à la révolution. Continue à la révolution avec des amis. Je me souviens de séances très rocambolesques, vues maintenant, d'épluchage, de textes de Lénine ou de Staline. Robert Maggiore. Qui faisait notre joie et qui soutenait d'ailleurs chacune de nos actions. Il fallait mettre une affiche et pendant 2-3 heures, on discutait sur ce que Lénine avait pu dire sur l'affichage, sur la rédaction d'un tract. Moi, je me souviens de cette époque-là, je n'ai aucune date en tête. Je me souviens simplement d'une intense activité. Et je crois aussi d'un enthousiasme qui s'est ensuite vite cassé la figure, je crois. Parce que les choses ont changé, nous on a changé, on a pu déboucher nos oreilles, entendre ce qu'on n'avait pas voulu entendre depuis très longtemps. Et puis en 70, il y avait surtout le Vietnam quand même. Et quand on voit, en 70, disons, les Américains étaient à Saïgon. En 80, les Russes sont à Kaboul. Je crois que les deux dates résument assez bien le changement. Le moment où on est arrivé à la monnaie, là, par exemple, et bon, tous ceux qui pendant des années avaient été en dehors de toutes ces institutions, de tous ces symboles, et tout d'un coup, tu voyais la monnaie là, qui éclatait de gens habillés autrement. C'était assez très, très extraordinaire. Je me souviens de ces salons d'une immense élégance avec des lampes aux larmes et des gens qui étaient là. Tu vois, on était tous un peu comme ça. On regardait, on fouillait, on cherchait un peu les recoins de ce palais qui était maintenant ouvert à d'autres. Mais ces 3 années du gouvernement populaire, l'image que j'ai la plus forte, c'est qu'on n'était jamais fatigué, qu'on travaillait tout le temps, qu'on dormait presque pas, et que les lieux de rencontre, d'action, de lutte, devenaient vraiment des lieux d'échange et des joies. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, on donnait le mieux de chacun et que c'était là les moments de plus grande, parce que c'était ensemble, tu vois, il y avait vraiment la solidarité, des liens d'amitié très forts, de travail entre les gens. Marchez Juliette au bord de l'eau, vos 4 ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café. Au pays des merveilles de Juliette. dans la tire qui mène à Hollywood. Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine. Oui, je crois que nous avons assisté, au fond, à une prise de conscience quand même d'un certain danger totalitaire qui est un retournement d'une partie au moins de l'intelligentsia française. Si vous voulez, pour moi, dans les années 70, mais enfin, il ne faut pas schématiser, il y a deux dates importantes, n'est-ce pas ? Il y a mai 68... Et puis, il y a quelque chose qui a dû se passer au printemps de 1980, que je vous expliquerai ensuite. En mai 68, Sartre a cessé de porter une cravate. Je crois que c'est un tournant, il a dit ça, un tournant dans sa sensibilité, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de ce dernier oripeau de la vie bourgeoise, symbolisé par le port de la cravate. Et évidemment, c'était tout ce dérapage d'une certaine intelligentsia vers des valeurs contestataires. Bien. Vous avez une cravate, vous, aujourd'hui? Eh bien, justement, vous allez voir la suite. Et alors, au printemps de 80, l'un des plus grands éditeurs italiens, que je n'aimerais pas, mais qui est quelqu'un de très respectable, un monsieur d'environ 70 ans, un homme tout à fait célèbre, des plus grandes maisons d'édition italiennes, très dans le vent, non, je ne répondrai pas, qui avait des cheveux qui lui descendaient mettant aux épaules, cet noble vieillard, vous voyez, a fait couper ses cheveux. Et je crois que là aussi, ça a terminé, si vous voulez, entre l'abandon de la cravate par Sartre et la coupe de cheveux par ce personnage, il y a eu une évolution, un retournement de tendance qui est très net. Ceci ne veut pas dire qu'on revient nécessairement au conservatisme, à la droite, mais cela veut dire que dans une certaine partie de l'intelligentsia, celle qui peut-être, pour se flatter elle-même, ça voudra se qualifier de haute intelligentsia, celle que des gens qui n'aiment pas cette intelligentsia appelleront les gens de l'intelligentsia qui est connue par les médias. Régis Debray en a parlé. Il y a, au fond, un abandon d'une certaine vulgate marxo-stalinienne qui fleurissait dans les années 60 et un désir de protéger les libertés d'une façon ou d'une autre contre la menace totalitaire. Et au fond, le prophète de l'époque, c'est un peu Raymond Aron, et des gens plus jeunes, comme Glucksmann, par exemple, et pourquoi pas Lévy aussi, ont joué un certain rôle là-dedans. Le 11 septembre, on a appris la nouvelle par la radio. Le soir, Miguel Enriquez et l'autre camarade qui avait été avec nous ne sont pas venus à la maison. Alors on a compris, on s'est dit qu'ils auraient dû avoir des informations plus précises. Le coup d'État commence et comme il y avait beaucoup d'enfants à la maison, on a essayé vraiment de nous contenir, de nous retenir et de ne pas exagérer la douleur ni la montrer. On était en silence, on écoutait ce qui s'est passé, on essayait de jouer, de faire des jeux de ballon, de mettre de la musique, de faire des gâteaux pour les enfants. Et je pense que même avec beaucoup de discrétion, quand déjà les nouvelles continuaient de la recherche de tous nos copains et qu'on ne savait pas encore la mort d'Allende à ce moment-là, quand tu avais déjà les affiches de recherche partout, dans la télévision, dans la radio, les avions en crasse-croûte, les bombes qui éclataient, les bruits, les visages des voisins. Bon, ça a été un quartier où il n'y a eu pas une seule délation, et au contraire, une immense tristesse, et d'autres personnes qui disparaissaient du quartier, comme les hommes de la maison, le voisin, etc. Alors on se voyait, on savait bien que... Mais on ne parlait pas, Et les enfants étaient quand même ce qui tenait le, ce qui faisait tenir une normalité. Quand Allende est mort, ou on a appris la mort par la télévision, c'était plutôt des larmes silencieuses et des mains qui se serrent plutôt qu'autre chose. On a essayé de rejoindre avec Marisa, mon amie qui habitait avec nous, notre cellule. On nous a déjà dit que toute la ville était coupée, qu'il valait mieux ne pas se joindre ce jour-là et qu'on avait d'autres choses à faire. Et qu'on reprendrait contact le lendemain. On est revenu à la maison et on a commencé à brûler la plupart de documents, des papiers, des journaux, etc. qu'on avait accumulés. Et on essayait de ne pas que ça se note pas. On savait déjà que ça commençait toutes les recherches. On est resté, non pas plusieurs jours, deux jours exactement. Avec les bruits des camions qui passaient par la grande artère qui communie la ville avec le sud. Et les voisins disaient, c'était toujours des courants de rumeurs, d'informations. Les camions de cadavres entassés, on savait déjà parce qu'à côté, aux alentours de notre quartier, il y avait le grand bidonville qui a fait résistance tenace aux militaires. La Lewa, qui a été massacrée avec des bombes par l'aviation. Alors ça passait juste à côté et au milieu de tout ça, et on essayait quand même qu'une normalité continue. Une normalité parce qu'il fallait continuer et ne pas se laisser saisir par la peur, essayer de voir comment les choses se passaient. Je crois que ça a été important, cette réaction, c'était fort parce qu'on était ensemble, on n'était pas seuls, et parce que les enfants, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas un souvenir traumatique, pas du tout. Les années 70, c'était Deleuze. C'était Deleuze qui a émergé, ben c'était encore les autres, c'était Derrida, il y avait Althusser. Bon, et puis, ben, ils sont toujours là, ils arrivent toujours à vivre. Le vrai problème, ça serait de savoir si... il y en a d'autres qui sont apparus. Les gens qui marquaient en 70 et qui continuaient à être productifs, enfin, la plupart d'entre eux, étaient déjà là avant. Au début des années 70, il commençait à enseigner la philosophie. En 1980, il enseigne toujours la philosophie. Un peu amèrement, il constate que sur le front des théories, rien n'a vraiment changé. Pas le comble du vide, mais une étrange continuité. Vincent Descombes. Entre 70 et 80, enfin pour prendre ces dates qui sont un peu arbitraires, enfin, c'est le calendrier, mais ce n'est pas nécessairement le calendrier des idées. Entre ces dates, il y a eu plusieurs renouvellements dans le langage, enfin qui... Bon, par exemple, pendant l'anti-libre, c'est un exemple, n'est-ce pas, d'un renouvellement dans le langage, puisque le style... c'est le style qui a d'abord frappé et ensuite bon, ça a suscité toute une série de textes qui ont été écrits de la même façon et puis maintenant il y a d'autres styles qui se sont imposés. Donc si on s'en tient à ça, on a l'impression qu'il y a eu des tas de changements, mais à mon avis c'est pas sur ce plan là que la philosophie peut s'apprécier, à moins que on fasse de la du style, enfin, le premier enjeu philosophique. Et je crois que c'est un peu une erreur. Alors, si c'est pas dans le style que tout se joue, alors c'est ailleurs. Et alors, il faut regarder ailleurs, c'est-à-dire sur le plan de ce qui est présupposé par ce travail. Et alors, j'ai l'impression que les présupposés sont restés les mêmes, c'est-à-dire que au fond, la philosophie, ça consiste à arriver à faire entrer des choses qu'on présupposait dans le champ des choses qu'on discute. Et là, le champ des choses qu'on discute n'a pas été élargi. Voilà. Parce que, c'est-à-dire que des gens ont dit dans un style ce qu'ils se disaient avant dans un autre, mais que... alors, ils ont fait un travail d'invention sur toutes sortes de plans, mais pas sur le plan purement philosophique. C'est pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir appris des choses inouïes pendant les années 70-80, parce que ce qui s'est dit là, au fond, je le savais déjà. Les gens n'ont pas dit là autre chose, j'ai pas l'impression. Les critiques radicales pendant cette décennie, on les a multipliées. Les concepts, on en a beaucoup agité. Les terrains théoriques ont-ils vraiment été renouvelés ? Jacques Rancière. Bon, on a assassiné des gens, on croit les avoir assassinés. Je crois que c'est pas très très profond. C'est-à-dire que moi, je suis très très frappé par le fait qu'on estime avoir enterré complètement Marx. Et on se rend compte qu'en fait, un tas de gens sont absolument incapables... vont de tenir un discours sur la société sans reprendre tout naturellement les catégories marxistes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'exécution de surface qui, à mon avis, n'a pas pénétré très très profondément. C'est-à-dire que les gens ont encore absolument besoin de ces concepts, parce que si on ne pense pas en termes de classe, comment on peut faire, enfin, c'est à peu près impossible. Je crois que c'est très très difficile. Alors, ou bien on remplace les vieux concepts par des nouveaux concepts, on dit plèbe dissidence au lieu de dire classe, révolution, que sais-je. Ou bien, effectivement, il faut se débrouiller avec une espèce de multitude de sujets éclatés, de pistes dont on ne sait pas très bien où elles vont. Et je pense que bon, c'est une démarche qui est difficile. Et c'est pour cela que, à mon avis, la critique du dogmatisme n'a pas vraiment été faite. Cause toujours, tu m'intéresses. Trivialité mise à part, c'est très exactement ce que le premier ministre iranien Bakhtiar répond à l'ayatollah Khomeini qui est revenu chasser sur ses terres. Après son retour triomphal hier à Téhéran, l'ayatollah s'est installé dans une ancienne école de jeunes filles. Dans ce quartier général improvisé, il est sans doute en train de former son gouvernement islamique. Il crie à tue-tête qu'il forcera Bakhtiar à s'en aller et que le Shah ne reviendra jamais. Tout cela n'a pas l'air d'impressionner beaucoup le premier ministre Bakhtiar. Il laisse passer l'orage et il reste maître de la situation. C'est en tout cas ce que M. Bakhtiar a dit lui-même ce matin à notre envoyé spécial Yves-Paul Vincent. Il y a des principes sur lesquels je suis intransigeant. Que je sois premier ministre, que je sois le balayeur de la rue, je suis pour la démocratie. Je ne suis pas pour la populace, je suis pour le peuple. Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir, comme un oubli, qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blouses qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Il y a ceux qui sont restés, qui travaillent sur la longue durée et dont les idées continuent à transformer le champ intellectuel. Et puis il y a eu les nouveaux, ceux qui ont fait la une des journaux, de la télé, et qui ont provoqué polémique et passion. Pendant cette décennie, y a-t-il eu des mouvements négatifs qui ont cassé quelque chose à la belle harmonie du monde intellectuel? Question ouverte. Blandine Barré-Krigel, après une longue hésitation, elle répond. Pour ma génération, hein, je parle pour ma génération, ce que je regrette le plus, c'est certainement ce qu'on a appelé l'équipée de la nouvelle philosophie. Et pour les raisons suivantes, ce n'est pas qu'il y ait eu, qu'il n'y ait eu des œuvres de talent. Je pense en particulier au livre de Jean Bay et Lardreau et au livre d'André Glucksmann. Mais au mouvement lui-même, n'est-ce pas, au mouvement, je fais des reproches tout à fait fondamentaux, c'est qu'il me semble qu'ils ont un peu, comment dire, mangé le blé en herbe. C'est-à-dire qu'ils se sont attelé à de grandes questions, aux questions qui sont nos questions communes, n'est-ce pas ? Quelle est l'origine du totalitarisme ? Qu'en est-il de la démocratie ? Si vous voulez, on reviendra sur ce point, parce que ça me semble une question fondamentale. Et qu'ils ont gâché ces questions. Ils ont gâché ces questions en particulier en ne faisant pas droit aux règles de notre métier. Et les règles de notre métier, du métier intellectuel, c'est quand même de recevoir et d'observer de la façon la plus soigneuse et la plus rigoureuse possible l'idéal savant, n'est-ce pas ? Mais à partir du moment où on prétend développer une réflexion érudite, n'est-ce pas, ce qui a été le ton adopté par un certain nombre d'entre eux, eh bien, il faut se plier aux règles du métier. Et ça, ce que je regrette, c'est qu'ils aient pu déconsidérer, que certains d'entre eux aient pu déconsidérer les règles du métier. Est-ce que la morale intellectuelle va se relâcher de plus en plus ? Je ne sais pas. Moi, je peux dire simplement ce que je crains et ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que les intellectuels continuent d'exercer de la façon la plus rigoureuse possible leur métier. Maintenant, peut-être que ce qui pèse sur le moral d'un certain nombre d'entre eux, c'est la conviction, à tort ou à raison qu'ils ont, que du fait du système institutionnel français, il n'y a pas d'alternance, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'alternance politique et que par conséquent, ceux d'entre eux qui s'intéressent, qui seraient susceptibles de s'intéresser très directement aux affaires politiques et de prendre une part de décision à ces affaires, eh bien, en sont exclus pour toute leur vie adulte. Et je crois probablement que ça fait peser sur eux une certaine morosité. « s'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République. Depuis des années, j'affirme publiquement que la France a besoin d'une majorité élargie. Je m'adresse à vous tous pour créer cette nouvelle majorité présidentielle élargie. Une élection présidentielle est un commencement. C'est l'occasion de définir et de conduire une politique nouvelle pour la France. Hautement que les options fondamentales du programme commun et du programme socialiste sont justes et qu'elles seront défendues. Cette politique que je propose s'organise autour de ces cinq thèmes. Le premier, des hommes plus libres. Le deuxième, une société plus juste. Le troisième, une monnaie plus forte. Le quatrième, un peuple plus fraternel. Et le cinquième, pourquoi pas, une France plus présente. Comment ça, changer? Mais changer, j'ai pas pensé vraiment. Même si ça semble irrévérent ou surtout, je devrais dire... Bon, 1973-1974, Santiago du Chili, Carmen Castillo. Ça peut sembler tellement, tellement peu comme l'imagine, mais cette année de vie clandestine et de lutte contre la dictature, ça a été pour moi une année de bonheur. Et j'emploie le mot très sérieusement parce qu'on avait beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de déchirement. La lutte, elle n'était pas simple et il fallait vraiment travailler beaucoup. Et on voyait bien qu'on était impuissant de faire plus qu'on ne voulait pour défendre la vie des gens. Il y avait des symboles de cette massacre de la vie des gens, soit à l'Estade National, soit autour de toi-même, autour de nous. La vie d'une femme complètement brisée parce que bon, son mari avait été assassiné, qui essayait de s'en sortir toute seule. La vie des ouvriers chômeurs, bon, toute une désolation. Et c'était clair, tu vois, c'était un combat très clair contre une machine à tuer. Et autour de nous et nous-mêmes, des hommes et des femmes et des enfants qui essayaient de survivre, de vivre. Alors, tout ça recréait pour moi une harmonie très claire entre ce que je voulais, j'étais, je désirais, et comment je concevais finalement la vie pour moi, sans l'imposer. Bon, l'apprentissage, par exemple, de la violence, ça a été en langue. Apprentissage, ce n'était pas question d'un jour. D'abord, il fallait bien voir, bien voir que la violence, elle était la violence de l'État militarisé contre nous tous, et que face à cette violence, il fallait se défendre, et qu'alors les armes prenaient une place dans nos vies complètement inscrite dans le dans la géographie, dans le paysage de notre vie de tout le jour, et que ainsi elles perdaient leur mystère, elles perdaient leur symbole du pouvoir pour devenir vraiment des instruments de défense, de vie. Got a one-way ticket for you, baby. I don't want you coming round no more. Got a one-way ticket for you, baby. I don't want you coming round no more. I done got tired, baby. You treat poor me. I have a stranger I met one time. I sweeted her to be my wife. I have a stranger I met one time, boys. I sweeted her to be my bride. Marc Cise, Blandine Barry-Krigel l'était au début de la décennie. Puis il y eut les interrogations, les bouleversements théoriques, la relecture des textes religieux, et de son cheminement politique, elle a tiré des conséquences sur ses recherches théoriques. C'est un itinéraire 70-80. Il y a 10 ans, elle épluchait les textes de Marx. Maintenant, elle travaille sur le concept de l'État. Au risque d'être subjectif, si je définissais finalement les événements intellectuels qui m'ont marqué, je dirais que, d'une part, le premier grand événement, c'est l'érosion, pour moi, du marxisme comme système d'interprétation, et d'autre part, l'apparition de recherches collectives, communes, n'est-ce pas, qui ne sont pas seulement celles des gens de ma génération, des préoccupations concernant l'histoire politique et même, disons, la place de la religion dans le monde contemporain. Moi, la question intellectuelle fondamentale que je vois réapparaître dans les années 80, c'est celle de la civilisation. Ça paraît une question passéiste, mais il me semble que, au fond, c'était des systèmes sociaux qui s'affrontaient dans les années 70, et ce sont des civilisations qui sont en présence les unes avec les autres aujourd'hui. Et alors peut-être que là on peut s'expliquer sur ces aspects-là. À l'érosion du marxisme, je vois un certain nombre de causes. La première, n'est-ce pas, c'est la faillite du marxisme incarné. La seconde, c'est, je crois, que le marxisme qui a incontestablement un grand pouvoir d'explication en ce qui concerne la société du 19e siècle, les problèmes sociaux des sociétés industrielles du 19e siècle, est en revanche incapable de rendre compte de ce qui se passe dans les sociétés qu'il a lui-même inspirées. C'est-à-dire, on ne comprend pas, il me semble, lorsque on a uniquement un point de vue qui privilégie les problèmes de lutte de classe. On ne comprend pas les sociétés socialistes, même s'il est vrai que dans les sociétés socialistes, il y a des inégalités très fortes. Je crois que le poids du phénomène idéologique, par exemple, surdétermine de très loin les phénomènes de classe. Et donc la deuxième raison, c'est que le marxisme bute sur lui-même. Marx bute sur Marx. Et enfin, la troisième raison, ce qui m'est apparu, alors là, évidemment, il s'agit d'une évolution personnelle, c'est que pour les problèmes qui, moi, m'intéressaient, qui sont les problèmes de l'histoire politique, c'est-à-dire de l'origine de notre civilisation politique, et en particulier de la différence qui peut exister entre le fondement des démocraties libérales, d'une part, et le fondement des sociétés politiques de type socialiste, d'autre part, il m'est apparu que le marxisme n'était pas non plus un bon instrument d'analyse. Alors, quel est le bon instrument d'analyse ? Ah ben, il n'y en a pas de tout fait, il n'y a pas d'instrument prêt. En 70, vous étiez marxiste ? En 70, peut-être que j'étais encore, sinon marxiste, du moins très largement influencée par la forme sous laquelle le marxisme nous avait été transmis, puisqu'en 70, j'étais encore assez proche, je n'étais déjà plus étudiante, mais j'étais au fond une très jeune ancienne étudiante, c'est-à-dire influencée par l'althusserisme, n'est-ce pas, qui a été la forme sous laquelle le marxisme nous a été transmis en raison de la grande influence d'Althusser. Et comment ça s'est passé pour moi ? Eh bien, au fond, assez simplement. Je suis chercheur, je travaille sur la formation de l'histoire savante à l'âge classique. J'ai été amenée à me rendre compte que l'État classique, a joué un rôle tout à fait primordial, tout à fait prédominant dans la constitution de la recherche historique. Alors évidemment, la question que je me suis posée, n'est-ce pas, était celle-ci, à quels intérêts de l'État répondait cet engagement qui était le sien dans le soutien, n'est-ce pas, à la recherche historique. Et j'étais à ce moment-là confrontée à une réalité de l'État, de cet État classique, qui m'apparaissait contradictoire avec la façon dont Marx, et en particulier dans un certain nombre de ses émules sur le plan historique, avaient eux-mêmes conçu la nature de l'État classique. Bref, qu'il est finalement un État essentiellement féodal, cette conception me semblait parfaitement en contradiction avec d'autres aspects de l'État qui m'apparaissaient dans le cadre de ma recherche et qui sont des aspects où l'État est beaucoup plus moderne, n'est-ce pas, qu'un État de type féodal. En particulier, l'un des objectifs de cet État classique, l'un des objectifs centraux, je crois, était de substituer à l'ancien règlement féodal des litiges, qui était un règlement par la violence, en quelque sorte, un règlement des litiges sociaux par la voie du droit, par la voie de la négociation juridique. Et ce faisant, il avait évidemment besoin de faire appel aux sources du droit, n'est-ce pas ? Et par conséquent, besoin d'historiens capables de collationner, de rassembler ces sources du droit. Take your little self right on out the door. Take a tip from me. When you get down to Marion, you better speak once. You think twice. You lie to Marion, another man's wife. That wouldn't be too cool. Qu'est-ce qui s'est passé comme modification pour vous, pour que vous vous intéressiez à l'État ? Incontestablement, l'histoire de l'État était dans le champ des études historiques, n'est-ce pas ? Dominée, disons, par un point de vue économiste, était un point aveugle et il était tombé en déshérent. Je crois que celui qui représente certainement, sur le plan philosophique, le premier tournant, c'est Michel Foucault, n'est-ce pas ? C'est l'intérêt que Michel Foucault a donné aux institutions qui ont constitué un premier déplacement des intérêts. Puis le second déplacement très important par rapport peut-être à ceux qui étaient, comme vous dites, à la mode, ou en tout cas qui étaient, si vous voulez, les intérêts majeurs des chercheurs dans les années 70, ce sont toutes les études qui ont été menées sur le communisme et d'une manière plus générale sur le phénomène révolutionnaire. Je crois que ce sont les études d'Annie Kriegel, d'Alain Besançon, de François Furet, qui ont certainement déplacer les intérêts des chercheurs vers des questions essentiellement politiques. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour vous, à l'intérieur de votre tête, quoi, l'évolution intellectuelle qui, manifestement, était sans arrêt conjointe aux activités politiques. Comment ces deux choses, activité intellectuelle et activité politique, entre 70 et 80, ont évolué pour vous ? Il y avait deux voies possibles. La première voie, c'est elle consiste à continuer pour elle-même l'expérience sociale, n'est-ce pas ? C'est celle d'un grand nombre de mes camarades ou de mes amis. Puis la seconde voie, c'est celle qui consiste C'est-à-dire à continuer à être militant. De continuer à être militant, parfaitement. Et la seconde voie, c'est celle qui consiste à essayer comprendre, avec les instruments qui sont ceux de la recherche savante, ce qui vous a été légué par votre expérience sociale. Moi, c'est la seconde voie qui a été la mienne. Alors, d'abord, la première chose, pour moi, c'est que j'ai appris un métier, tout simplement. Le métier intellectuel, comme vous le savez, c'est un métier, comme tous les métiers, qui s'apprend longuement, difficilement. Le second déplacement, il est dû à la lecture que j'ai faite de la Bible, aussi étrange que ça puisse paraître. Alors, Cette lecture que j'ai faite de la Bible ne m'a pas du tout conduite à me convertir, n'est-ce pas ? Je n'ai pas, comme certains, rencontré la foi, pas du tout. Mais en revanche, dans la Bible, j'ai trouvé l'aliment de réflexion et de méditation tout à fait fondamental pour les problèmes qui m'intéressaient. En particulier, ce que j'ai trouvé dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est une réflexion et une méditation sur ce que les sociologues appellent aujourd'hui d'un mot qui est affreux, n'est-ce pas ? Le consensus, c'est-à-dire les règles, les idéaux, les idées communes à partir desquelles les individus acceptent d'ordonner, de régler leur relation collective. Si l'on veut réfléchir sur ce problème, problème de la morale sociale, de la morale politique, n'est-ce pas, de ce qu'on choisit comme idéaux, de ce qu'on estime être le plus susceptible de faire régner la plus grande harmonie entre les individus, eh bien, on ne peut pas court-circuiter la pédagogie morale politique existe, n'est pas dans les systèmes religieux. Moi, c'est pour ça que la Bible m'a profondément intéressée. Septembre 1974, un an après, c'est le départ des petites filles, c'est l'abandon de la maison bleu ciel de Santa Fe où on vivait, c'est le cercle de la répression qui commence à se resserrer autour de nous, c'est la tension qui réapparaît, c'est les démarches désespérés pour trouver d'autres lieux, pour arrêter, pour briser la marche de la Dina contre nous. C'est la chute de Luisa, c'est la chute des amis, l'un derrière l'autre. Et c'est finalement, le samedi 5 octobre 1974, c'est la journée qui marque la rupture, la destruction, la mort. Et à partir de là, c'est une autre histoire qui commence. Souvenir, souvenir, difficile de trier, difficile aussi de trop dire qu'on s'est trompé. Althusserien d'abord, maoïste ensuite, influencé par Michel Foucault, philosophe devenu historien, Jacques Rancière tire un bilan de cette décennie symptomatique de toute une génération. Il y a eu des phénomènes qui pour moi ont une valeur, de limite, style la nouvelle philosophie. C'est-à-dire c'était un certain destin finalement de notre aventure qui était pour moi ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, je veux dire qui servait, disons, un peu à relancer la réflexion, à dire qu'il fallait continuer le travail justement pour ne pas se bloquer dans un discours théorique du type c'est fini. Pour moi, disons, quand même, ces 10 années, ça a été laissé pour marcher, je dirais pas sans guide, au sens où je penserais que je m'en vais tout seul, comme un explorateur qui ne tire tout que de lui-même. Mais effectivement, pour penser sans cadre théorique, pour penser sans question posée à l'avance, sans un système hypothèse vérification ou rien de ce type-là. Des années où on avance, où on ne sait pas très bien où on va, mais où on avance beaucoup. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir personnellement, en tout cas, c'est une impression purement personnelle. Je ne sais pas ce que ça peut produire comme résultat. En tout cas, beaucoup appris, beaucoup compris, à la fois à partir de la pratique militante et à partir aussi de tout ce qui s'en est tiré comme rationalisation secondaire. Pour moi, donc, c'est des années finalement très très positives, même si on peut faire un bilan d'ensemble qui est un peu triste, un peu noir. Je pense qu'on a eu la possibilité de chercher et d'explorer. Une décennie sur le plan intellectuel, au début un peu agitée. Tout intellectuel se sentait alors sommé de militer. Puis ils se sont repliés, quelques années de retrait, et se sont remis à travailler, autrement, plus librement, et surtout moins prisonniers des carcans politiques et idéologiques. Cela donne donc des travaux éclatés, un champ théorique beaucoup moins homogène, et des spécialisations plus poussées. Moins de convergence, donc, moins de généralisation abusive, on ne croit plus à l'interdisciplinarité, mot-clé du début des années 70, et à la fin de cette décennie, on a de moins en moins besoin de maîtres à penser. Et de cela, il faut sans doute se féliciter. Discours intellectuel, rappel d'événements politiques, douloureuse remontée du souvenir. Il y a 10 ans, Salvador Allende prenait le pouvoir au Chili. Carmen, il y a 6 ans, se battait pour survivre. Maintenant, en exil à Paris, elle commence à réaliser, tout simplement, qu'elle peut continuer à vivre. Je disais, une autre vie commence, mais d'abord, ce n'est pas la vie qui a commencé, c'est la mort, c'est la survie, c'est un combat pour survivre, c'est la connaissance concrète et précise dans les visages et dans les gestes des tortionnaires et des officiers de la DINA, de ce qu'était cette dictature au Chili, c'est-à-dire une machine à tuer, à écraser la vie des gens. Je l'ai connu de l'intérieur, je l'ai connu d'une position privilégiée parce que par mes origines, par la situation précise et concrète, c'est-à-dire la mort de Miguel, j'avais rien avoué concrètement, immédiatement, de très clé pour la répression. Et ensuite, et surtout, par une immense campagne internationale partout dans le monde, très très large, et surtout que des femmes ont entrepris pour m'en sortir de là. Et finalement, je suis sortie. Je suis sortie tout en sachant que j'avais connu un moment de perte totale de ce qu'on est. C'est-à-dire j'avais connu vraiment comment et quel mécanisme on utilise pour briser l'identité, la résistance et ce qui fait ta vie, quoi. Mais je savais que je ne connaissais pas les trous des maisons clandestines, que je ne connaissais pas la torture physique et que j'avais pas connu non plus ce que ça voulait dire être enfermé dans des camps pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et j'arrive en Europe, miraculeusement, mais j'arrive. Et commence alors un moment de... Un moment de survie où la haine l'emportait complètement. La haine, elle y est, comme une passion. Elle ne peut pas s'étendre éternellement si tu ne vois pas l'ennemi, mais au départ, elle est là, elle te fait bouger, résister, essayer de faire... essayer de faire voir aux autres ici ce qui était en train de se passer. Alors, bon, n'empêche qu'au départ, une tâche qui avait un sens précis et qui était faite par un moteur, comme je te disais, de haine et de vengeance, s'affaisse. Le temps, il est là. Et dans l'essentiel, j'avais perdu en tant que femme un homme, un amour, une vie, une harmonie. Je pense que toutes les femmes qui perdent dans un moment d'une passion l'homme, même si c'est pas dans un combat, ça doit être la même chose. Et au fond, ce travail de dépasser les absences, et etc., je ne l'ai fait que beaucoup plus tard. Et j'ai eu alors une longue période de travail dans la solidarité, où j'ai rencontré des gens extraordinaires qui se dévouaient pour nous, qui travaillaient pour nous, et face auxquels, peu à peu, j'ai ressenti que je n'étais plus présente, que je n'étais plus quelqu'un qui pouvait parler de là-bas, puisque j'étais ici et que je connaissais plus du tout comment ça se passait là-bas. Les nouvelles qui arrivaient de là-bas, c'était plutôt le cauchemar pendant des années, certainement, deux ans, trois ans. Chaque nouvelle, un cauchemar, une chute, un ami qui est tué, un emprisonnement, un disparu. Et ça, vraiment, ça te fait à la fois bouger, mais tu te sens complètement épuisante, dans un décalage impossible de rattraper, dans une distance, et tu te sens ridicule. La culpabilité l'emporte nécessairement, et culpabilité de survivante, culpabilité de l'inaction, culpabilité de l'éloignement. Bon, finalement, alors, de ce temps de vie dans les aéroports, je suis revenue à Paris. À Paris, à la fin de 76. C'est à ce moment-là qu'un certain travail de mémoire commence, parce que je retrouve dans des meetings, dans les rues ou dans des réunions, des femmes et des hommes qui avaient été liés à mon histoire. Au départ, je n'ose même pas poser des questions. Je sais, j'ai très peur de cette mémoire. Mais ce travail commence en dépit de moi, puisque les visages te ramènent d'autres visages, d'autres images, des couleurs, des odeurs, bon, les saisons de l'année, il y a des dates, plein de choses qui te ramènent en arrière. Et pour tenir quand même, quand la vague, quand le torrent de mémoire était trop fort, il me fallait écrire pour tenir debout et continuer. Et c'est à Paris alors que je renais vraiment une autre vie. Littéralement comme ça, un jour je suis sortie du métro pour voir la ville, et j'ai vu cette ville qui me semblait, bon, simplement voir l'eau de la Seine me semblait être extraordinaire, puisque c'était la simplicité du fait d'être vivant finalement. Et là, dans ce moment, ça a été la rencontre avec les groupes des femmes en France. Et je les ai rencontrés non pas par une démarche idéologique ou purement utilitaire, parce que en se disant bon, il faut travailler avec le mouvement des femmes, à ce moment-là, c'était présent. Ça a été une rencontre affective d'abord, et j'ai même si c'était en décalage avec ce que vous avez vécu ici, j'ai su ce qui était le bonheur d'être entre femmes et de s'aimer, de danser, de se retrouver. Ça n'a pas été jamais quelque chose de purement idéologique. Alors même si après tu n'y es plus activement quelque part, je pense que les traces, que les signes de cette amitié, de cette valorisation, de cette espèce de retrouvaille, oui, de moi-même, sont inscrites un peu dans le corps, dans la manière même que j'ai de me voir. Blandine Barré-Criguel, Vincent Descombes, Jacques Higelin, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Rancière, Robert Maggiori, Carmen Castillo, Mehdi Alhadj, Laure Adler, Nuit Magnétique, bonsoir. Thank you.